Puisque vous êtes si sensible, il y a une solution fort simple. Allez passer vos vacances de votre côté, et moi, je passerai les miennes du mien. Avec ton amie Valérie, je suppose. À mon âge, je suis libre de passer mes vacances comme je le veux, non? Je n'ai aucune envie de passer un mois dans un trou avec des paysans au milieu des bêtes. Oh, Georges, ce sont des cousins. Et tu as toujours aimé les bêtes. La question n'est pas là. Nous sommes censés discuter de nos projets de vacances. Moi, je vous annonce que nous allons en Espagne. En Espagne? Je ne connais pas un seul mot d'espagnol. Ça n'a aucune importance. Tous les Espagnols parlent français. Ça, ce n'est pas vrai.